FSI French Revised. Unit 2, Tape 4. Practice drills. Practice drill A1. Il a 9 ans. Il a 9 ans. Franc. Il a 9 francs. Ami. Il a 9 amis. Livre. Il a 9 livres. Étage. Il a 9 étages. Chambre. Il a 9 chambres. En. Il a 9 ans. Practice drill A2. Il a 5 ans. Il a 5 ans. Franc. Il a 5 francs. Ami. Il a 5 amis. Fiche. Il a 5 fiches. Sœur. Il a 5 sœurs. Étage. Il a 5 étages. Livre. Il a 5 livres. Practice drill A3. Il a 10 ans. Il a 10 ans. Franc. Il a 10 francs. Étage. Il a 10 étages. Livre. Il a 10 livres. Hôtel. Il a 10 hôtels. Franc. Il a 10 francs. Enfant. Il a 10 enfants. Practice drill A4. Tutor. Est-il 8 heures? Student. Non, il est 9 heures. Tutor. Y a-t-il 5 fiches? Student. Non, il y a 6 fiches. Est-il 10 heures? Non, il est 11 heures. Avez-vous 9 fiches? Non, j'ai 10 fiches. Avez-vous 7 fiches? Non, j'ai 8 fiches. Est-il 7 heures? Non, il est 8 heures. Est-il 1 heure? Non, il est 2 heures. Déjeune-t-il à midi? Non, il déjeune à 1 heure. Avez-vous 4 livres? Non, j'ai 5 livres. Y a-t-il 6 livres? Non, il y a 7 livres. Avez-vous 7 francs? Non, j'ai 8 francs. Votre fille a-t-elle 8 enfants? Non, elle a 9 enfants. C'est la chambre 4? Non, c'est la chambre 5. Practice drill A5. Tutor. Je déjeune à midi, et vous? Student. Je déjeune à 1 heure. J'ai la chambre 9, et vous? J'ai la chambre 10. J'ai 4 sœurs, et vous? J'ai 5 sœurs. J'ai 18 ans. Et vous? J'ai 19 ans. J'arrive à 6 heures. Et vous? J'arrive à 7 heures. J'ai 8 heures. Et vous? J'ai 9 heures. J'arrive à 10 heures. Et vous? J'arrive à 11 heures. J'ai 2 fiches. Et vous? J'ai 3 fiches. J'ai la chambre 6. Et vous? J'ai la chambre 7. J'ai 6 francs. Et vous? J'ai 7 francs. J'ai 5 francs. Et vous? J'ai 6 francs. Grammar 3. Negative adverb. Ne pas. Learning drills. Learning drill 1. Elle n'est pas à l'hôtel. Elle n'est pas à l'hôtel. Nous n'allons pas. Nous n'allons pas à l'hôtel. Il n'est pas. Il n'est pas à l'hôtel. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas à l'hôtel. Vous n'allez pas. Vous n'allez pas à l'hôtel. Mon frère n'est pas. Mon frère n'est pas à l'hôtel. Vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas à l'hôtel. Nous n'allons pas. Nous n'allons pas à l'hôtel. Les bagages n'arrivent pas. Les bagages n'arrivent pas à l'hôtel. Elle n'est pas. Elle n'est pas à l'hôtel. Learning drill 2. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas bien. Vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas bien. Vous ne répétez pas. Vous ne répétez pas bien. Je ne vois pas. Je ne vois pas bien. Je ne vais pas. Je ne vais pas bien. Learning drill 3. Il ne comprend pas bien. Il ne comprend pas bien. Elle ne va pas. Elle ne va pas bien. Elle ne voit pas. Elle ne voit pas bien. Il ne va pas. Il ne va pas bien. Il ne voit pas. Il ne voit pas bien. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas bien. Il ne voit pas. Il ne voit pas bien. Learning drill 4. Nous n'allons pas bien. Nous n'allons pas bien. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas bien. Je n'entends pas. Je n'entends pas bien. Vous n'allez pas. Vous n'allez pas bien. Elle n'entend pas. Elle n'entend pas bien. Nous n'allons pas. Nous n'allons pas bien. Il n'entend pas. Il n'entend pas bien. Nous n'allons pas. Nous n'allons pas bien. Learning Drill 5. Ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas mon frère. Mon père. Ce n'est pas mon père. Ma sœur. Ce n'est pas ma sœur. Ma fiche. Ce n'est pas ma fiche. Ma chambre. Ce n'est pas ma chambre. Mon hôtel. Ce n'est pas mon hôtel. Mon café. Ce n'est pas mon café. Learning Drill 6. Ce n'est pas pressé. Ce n'est pas pressé. Anglais. Ce n'est pas anglais. Français. Ce n'est pas français. Bon. Ce n'est pas bon. Libre. Ce n'est pas libre. Joli. Ce n'est pas joli. Parfait. Ce n'est pas parfait. Très bien. Ce n'est pas très bien. Très fort. Ce n'est pas très fort. Practice drills. Practice drill A1. Je ne vais pas déjeuner. Je ne vais pas déjeuner. Nous. Nous n'allons pas déjeuner. Mademoiselle Courtois. Mademoiselle Courtois ne va pas déjeuner. Vous. Vous n'allez pas déjeuner. Monsieur Leland. Monsieur Leland ne va pas déjeuner. Nous. Nous n'allons pas déjeuner. Je ne vais pas déjeuner. Practice drill A2. Vous ne déjeunez pas. Vous ne déjeunez pas. Écoutez. Vous n'écoutez pas. Parlez. Vous ne parlez pas. Changez. Vous ne changez pas. Traduisez. Vous ne traduisez pas. Écoutez. Vous n'écoutez pas. Répondez. Vous ne répondez pas. Ouvrez. Vous n'ouvrez pas. Déjeunez. Vous ne déjeunez pas. Practice drill A3. Tutor. Elle arrive à 2 heures? Student. Non, elle n'arrive pas à 2 heures. Il arrive aujourd'hui? Non, il n'arrive pas aujourd'hui. Il entend bien? Non, il n'entend pas bien. Elle arrive ce soir? Non, elle n'arrive pas ce soir. Elle est en vacances? Non, elle n'est pas en vacances. Il est à l'hôtel? Non, il n'est pas à l'hôtel. Elle entend bien? Non, elle n'entend pas bien. Il a la monnaie? Non, il n'a pas la monnaie. Il est ici? Non, il n'est pas ici. Elle a les bagages? Non, elle n'a pas les bagages. Practice drill A4. Tutor. Il monte? Student. Non, il ne monte pas. Elle comprend? Non, elle ne comprend pas. Il sait? Non, il ne sait pas. Elle monte? Non, elle ne monte pas. Elle voit? Non, elle ne voit pas. Il change? Non, il ne change pas. Il commence? Non, il ne commence pas. Il comprend? Non, il ne comprend pas. Il voit? Non, il ne voit pas. Elle commence? Non, elle ne commence pas. Practice drill A5. Tutor. Vos amis sont-ils heureux? Student. Non, ils ne sont pas heureux. Arrive-t-elle en retard? Non, elle n'arrive pas en retard. Est-il en retard? Non, il n'est pas en retard. Êtes-vous pressé? Non, je ne suis pas pressé. Va-t-il au restaurant? Non, il ne va pas au restaurant. A-t-elle la chambre 12? Non, elle n'a pas la chambre 12. La classe commence-t-elle à 8 heures? Non, elle ne commence pas à 8 heures. Votre fille est-elle pressée? Non, elle n'est pas pressée. Monsieur Durand est-il avec eux? Non, il n'est pas avec eux. Change-t-elle à Paris? Non, elle ne change pas à Paris. Va-t-elle en vacances? Non, elle ne va pas en vacances. Allez-vous au café? Non, je ne vais pas au café. Comprend-elle le français? Non, elle ne comprend pas le français. Le gérant est-il au premier étage? Non, il n'est pas au premier étage. Les bagages sont-ils à l'hôtel? Non, ils ne sont pas à l'hôtel. Êtes-vous pressé? Non, je ne suis pas pressée. Les Durand sont-ils satisfaits? Non, ils ne sont pas satisfaits. Janine, c'est-elle la leçon? Non, elle ne sait pas la leçon. Les chambres sont-elles communicantes? Non, elles ne sont pas communicantes. Practice drill A6. Tutor. C'est mon frère. Student. Non, ce n'est pas votre frère. C'est mon père. Non, ce n'est pas votre père. C'est ma sœur. Non, ce n'est pas votre sœur. C'est ma fiche. Non, ce n'est pas votre fiche. C'est ma chambre. Non, ce n'est pas votre chambre. C'est mon hôtel. Non, ce n'est pas votre hôtel. C'est mon ami. Non, ce n'est pas votre ami. C'est mon café. Non, ce n'est pas votre café. Practice drill A7. Tutor. C'est pressé. Student. Non, ce n'est pas pressé. C'est anglais. Non, ce n'est pas anglais. C'est français. Non, ce n'est pas français. C'est bon. Non, ce n'est pas bon. C'est libre. Non, ce n'est pas libre. C'est ici. Non, ce n'est pas ici. C'est parfait. Non, ce n'est pas parfait. C'est très bien. Non, ce n'est pas très bien. C'est fort. Non, ce n'est pas fort. Practice drill A8. Tutor. Il est pressé. Student. Non, il n'est pas pressé. Tutor. C'est pressé. Student. Non, ce n'est pas pressé. Ils sont en vacances. Non, ils ne sont pas en vacances. Vous êtes pressé? Non, je ne suis pas pressée. C'est ici? Non, ce n'est pas ici. C'est le restaurant? Non, ce n'est pas le restaurant. Il est à Paris? Non, il n'est pas à Paris. La chambre est-elle jolie? Non, elle n'est pas jolie. C'est bon? Non, ce n'est pas bon. C'est au café? Non, ce n'est pas au café. C'est votre chambre? Non, ce n'est pas ma chambre. Votre ami est-il français? Non, il n'est pas français. Avez-vous les livres? Non, je n'ai pas les livres. Allez-vous en vacances? Non, je ne vais pas en vacances. C'est votre chambre? Non, ce n'est pas ma chambre. C'est mon café? Non, ce n'est pas votre café. This is the end of tape 4, unit 2.